Bonjour les amis, bienvenue chez Dr Disco et Mr Funk. C'est samedi soir et on va essayer de commencer la soirée tranquillement en écoutant un peu de funk et de disco. Alors pour la découverte du jour, j'ai choisi The Real Thing. Leur titre, Can You Feel the Force, à ne pas confondre avec bien sûr Kennedy Airport, comme certains croient l'entendre à l'époque, et il va faire un vrai tabac en 1979 parce qu'il s'est quand même vendu à 250 000 exemplaires. Ça bouge pas mal, on va le découvrir tout de suite. Alors je voudrais dédicacer cette première chanson à un ami, le grand ou Jean-Loup, qui pensait lui que ça voulait dire Kennedy Airport. C'est tout de suite. Ça commence fort aujourd'hui. Bon, on va continuer avec la double dose et ça va être consacré à un groupe mythique, Imagination. Ah, tout le monde connaît bien sûr, enfin, ceux qui écoutent cette émission bien sûr. Le groupe, trois personnes, Lee Jones, Ashley Ingram et Errol Kennedy, ils se forment en 1981. Le nom du groupe est un hommage à l'une des plus célèbres chansons de John Lennon, Imagine. Leur premier album, Body Talk, connaît un succès immédiat avec les hits Flashback et Body Talk. On a déjà écouté Body Talk, il me semble, dans une précédente émission. Le second, In the Heat of the Night, paru en 1982, représente leur apogée avec le single Just an Illusion, classé numéro 2 en Angleterre et numéro 10 un peu partout dans le monde. Rappelez-vous du clip, une maison hantée avec des toiles d'araignées partout, ça vaut vraiment le détour. À l'époque, c'était innovant. Le titre, il est joué à chacun de leurs concerts et de leurs tournées. Music and Light, extrait du même album, contribuera à renforcer leur prestige. Scandalous, sorti en 1983, marquera le début du déclin du groupe, qui finira par se séparer en 1992. Bon alors, quand on parle de déclin, tout est relatif, hein, car Scandalous sera quand même certifié disque d'or, tout comme la compilation Like It This, All The Hits, sorti en 1989. Alors on va déguster quoi ? Flashback et Just An Illusion. C'est parti ! Disco et Mr. Funk sur Fadjet. Wow, c'était pas mal du tout, pas mal du tout. Mais alors attendez la suite. Maxi du jour et Maxi Tube. Si je vous dis Last Night a DJ Saved My Life, ça doit faire tilt, non? Bon, allez, le titre c'est une chanson d'Indeep, sortie en 1982. Alors là, c'est pas la peine de vous dire qu'elle représente l'un des hymnes incontestés du disco. Et pour l'anecdote, dans le titre, on y retrouve un morceau de rap à la fin du morceau, mais aussi il y a des crissements de pneus, une sonnerie de téléphone et une chasse d'eau que l'on tire. La chanson elle a été composée par Michael Cleveland. Alors préparez-vous à faire encore un bon retour vers le passé. 3, 2, 1, go, c'est parti! Not a problem that I can't fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on a double, and you don't let it trouble your brain, 'cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain. Alors, c'était pas du bon, ça? Bon, on va passer maintenant à l'instant français. je vais vous repasser une interprète qu'on a déjà évoquée, Karen Cheryl. Ah, je ne vais pas vous raconter encore une fois son histoire, vous la connaissez déjà. Sortie en 1979, Show Me Your Man Enough a eu le droit à sa version française. Avec La Marche des Machos. Alors, ne me demandez pas pourquoi du comment la traduction, je n'en sais strictement rien. Je sais que c'était une... un désir, un souhait des Carpentiers pour son, leur émission, où ils voulaient uniquement, enfin, beaucoup de chansons françaises. Alors, je vais proposer d'écouter la version anglaise. Moi, je la trouve un peu plus disco. Allez, à toi, Karen. Ah, et là, ça en arrive doucement à la fin de cette émission. Et c'est l'heure de la pépite. Aujourd'hui, on va partir sur Change et leur titre Hold Tight, paru en 1981. Il est extrait de leur album Miracles et le titre sera bien sûr numéro 1 aux USA. Je vous ai déjà parlé de ce groupe. Sur cet enregistrement, il n'apparaît pas du tout Luther Vandross, mais le morceau vaut d'être écouté. Alors pour info, quand j'ai commencé à faire ces émissions en février, je me suis dit oh, on va toujours passer la même chose, c'est toujours le même groupe. Il y a souvent les mêmes groupes, mais il y a beaucoup de morceaux qu'on a oubliés. Donc c'est le but de vous les faire redécouvrir avec la pépite. Allez, Change, c'est maintenant. Hold tight. Everybody gets the chance someday. All at once at last you think you've got it made. Not a word that anyone can say that can change the way you feel. Cause you know that love is real. You can choose with whom you fall in love. Anybody, any moment, anywhere. Cause no matter who you choose, there's a chance that you might lose. Gonna try and that's the best that I can do. Hold tight. If you wanna make this feeling stay, hold tight. Tears gonna stay. Hold tight. If you wanna make this feeling stay, hold tight. Hold tight. Don't let this moment fade away. Hold tight. Now tears gonna stay. You can do just anything you want. You can help yourself to anything that's mine. Take it easy when there's no one else. Got to get it right this time. Gonna try to make love shine. Everybody gets the chance someday. You just take it when the moment comes along. There's nothing you can say. There's nothing you can do. When you find the eyes of love are set on you. Feel it stay, hold tight. Hold tight. Don't let this moment fade away. Hold tight. Now tears gonna stay. Now's the moment of a lifetime, and it's here for you. Come on, baby, it's time to make a place. Now everybody got to let us through. Dream to catch tonight, it might come true. Hold tight. C'est déjà fini, et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Le temps il passe si vite. Alors je vais vous dire bonne soirée, bonne semaine, et à samedi prochain sur Fadjet. Bye bye.